laisser place au charme des ronds d'or, ors et diamants à l'appui. Chaque siècle a ses normes et les fous sont innovateurs. It's a new world, it's a new world, yeah. Sans trop de grâce, sans aucune larme, allez sans cul, on s'envoie vous déjà, vous prendrez place à votre tour dans le vent de la dernière vie. Les guerres étaient là avant nous et attendent comme il se doit la fin de l'histoire, mais pas l'addition, mais pas l'addition, puisque nous réglerons. Putain, ce soir, maman, viens vous reprendre.